Est-ce qu'on peut se faire un clap ensemble? Ouais, enfin, ça va pas se Ok, voir sur clap! l'enregistrement. Ouais, mais Clap! du coup, j'ai pas clapé de mon côté. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu me fais faire, Guillaume? Je synchronise, ok? C'est un truc de réalisateur, ça. Ça aussi, tu devrais l'apprendre, Tristan. Si tu veux être réalisateur dans la vie, suis mes conseils. Tu te rends compte que là, tu synchronises de ton côté, pas du mien. Clap. Synchroniser. Ouais, mais ça sert à rien du tout. Tu dis ça parce que tu sais pas le faire. Clap. Synchroniser. Tu t'y attendais pas, hein? Tu t'y hein? Hein? Alors, tu t'y attendais pas, hein? Tu sais, parfois je me demande pourquoi t'es mon ami. Il suffit d'une étincelle pour donner vie à quelque chose. Donc, à l'image de Frankenstein et de sa célèbre créature, nous allons aujourd'hui dans Brainstorming nous lancer dans la création d'un monstre. C'est-à-dire qu'en partant d'un terme découvert en direct, on va sortir un maximum d'idées de nos têtes pour donner vie à une histoire. Sera-t-elle bonne ou mauvaise, on s'en fout. L'idée est juste de créer quelque chose. Et pour m'accompagner dans cette expérience, je suis avec mon acolyte de toujours, l'incroyable, le fantastique, le phénoménal, Guillaume! Salut. Tu m'as introduit vraiment d'une manière un peu excessive, je trouve. Ouais, du coup, je teste des trucs. Là, je me suis dit, je vais me la faire en mode NBA, NBA Amérique, tout ça, tu vois. Tout ce que tu n'es pas, parce que tu fais 1m70, même pas. Quoi? Non, et, tu es blanc, blanc, tu ne bronzes pas du tout. Ouais, ça, je suis d'accord. Jamais, tu ne peux même pas bronzer, en plus. Pourquoi tu sens le besoin de me rabaisser constamment? Non, mais je repérais les dissonances, c'est tout. Et puis d'autant que là, moi tu m'as décrit des trucs visuels, mais on est sur un podcast et les gens ne m'entendent pas. Donc. Ah oui, donc oui, non, mais tu arrêtes. Donc du coup, oui, tu fais 1m90 et tu es noir, du coup. Et je suis hyper costaud, hyper. J'ai le 8 pack d'abdos. Oui, et tu as 3 bits aussi. Oui. Et donc je suis avec Tristan. Ça va, Tristan? Eh ben écoute, ça va bien. Je suis trop motivé, j'ai trop envie de faire ce truc. Il y a Antoine qui est celui qui nous donne les mots qu'on découvre à chaque fois. Il m'a dit que celui-là allait être ardu, qu'il sera plus compliqué que les autres. Oula, ça sent les mots un peu bizarres qu'on va devoir chercher sur Internet. Du coup, est-ce que tu es prêt, mon cher Guillaume, pour découvrir ce mot? Écoute, Tristan. Je t'écoute. Je suis toujours prêt quand tu es à mes côtés. Ah, oh, c'est beau. Eh bien donc, si on est tous prêts, il est temps de commencer l'expérience en découvrant l'éclair qui donnera vie à notre histoire. C'est le calme avant la tempête. Accrochez-vous, ça va faire mal. Escroquerie du désir. Ok, je vois pourquoi il parlait de choses plus compliquées. Ouais. Escroquerie du désir. Je trouve ça hyper intéressant de... Parce que du coup, une escroquerie, généralement, c'est quelque chose de très... de physique. Enfin, on escroque, c'est pour gagner quelque chose de physique, de l'argent ou autre. Donc, escroquerie du désir, c'est-à-dire que là, on escroque sur un sentiment. On peut pas escroquer sur des choses Si, on peut, bien sûr, mais c'est pas la première chose qui nous vient en tête quand on parle d'escroquerie. Tu dis, il a voulu voler de l'argent, il a voulu profiter de... pour avoir des papiers... Ouais, c'est vrai que là, enfin moi, tout de suite, escroquerie du désir, l'imagerie que ça m'évoque, c'est les maisons de prostitution. Oh, ouais. C'est à peu près tout, mais... Moi, j'avais en tête un grand plan pour voler quelque chose, etc. Donc, quelque chose de physique, justement. Ouais. On suivrait tout ça, et finalement, à la fin, on se rend compte que non, ce qui était l'objectif de ce casse n'était pas, en fait, un objet physique, mais comme on disait, peut-être un désir, une émotion. Ouais. Enfin, un peu comme dans Ocean's Eleven, je sais pas si tu connais. Oui, mais j'ai pas vu. Mais après, en termes d'escroquerie, un braquage ou quoi. Tiens, ouais. Concrètement, une escroquerie, ça prend quelle forme d'ailleurs? On va, typiquement, on en parlait, on va regarder la définition exacte d'escroquerie. Délit, tromperie consistant en l'obtention d'un bien ou la fourniture d'un service au moyen de l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, de l'abus d'une qualité ou de manœuvres frauduleuses. Tromperie, ouais, ça c'est le terme qui me semble important, tromperie. Tu vois, action d'escroquer, de tromper la confiance de quelqu'un, une escroquerie morale. Ouais, ça fait très film noir. Je rigole, mais en fait c'est parce que j'ai rien. C'est d'une tristesse. De ouf. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai qu'il y a... Il y a pas de... Pour l'instant, j'ai pas de choses qui me viennent à l'esprit. Bah genre, en revenant sur ce que tu disais de... dans une maison close ou autre. Ouais. Quel genre d'escroquerie on pourrait faire là-dedans? Escroquerie du désir, du coup... Dans le désir, tu vois, justement, le désir sexuel, le désir de la chair. Bah là, pour l'instant, c'est le premier qui viendrait en termes... Si on est sur une maison close. Et... Mais genre, quel désir on pourrait voler, également? Dans une maison close ou en dehors? De manière générale. Il y a l'amour des parents. Genre, tu fais semblant d'aimer ton fils. Guillaume, on est censé faire une fiction pour raconter nos vies. Là, ça va devenir gênant, après. Non, mais t'as raison. On n'est pas obligé. Ouais, donc du coup, tu veux dire, ouais, tromper, feinter un amour pour quelqu'un. Ouais, voilà. Ouais, mais là, du coup, on peut bah, typiquement revenir sur de l'escroquerie un peu plus basique, comme on l'imagine souvent dans le cliché. C'est, voilà, on trouve un bon parti qui est riche et on feint l'amour qu'on a pour lui. Ouais, mais c'est pour ça que j'imaginais quelque chose de plus en relation avec un père ou une mère. Parce que du coup, c'est sans doute moins fait. Et c'est plus intéressant parce que tu peux feindre d'être le fils, le remplaçant d'un fils qu'une personne aurait pu perdre ou de faire semblant d'être son ami ou même de l'épouser pour l'argent. Alors que quelqu'un qui fait semblant de devenir comme ton père ou comme ta mère, c'est plus difficile quand même. Parce qu'il faut que l'autre accepte. Et ça peut pas passer par des avances... physique, genre je te montre mes boobs, est-ce que tu veux que je sois ta mère? Et sinon, là, j'étais en train d'imaginer quelque chose. Ce serait un truc à la Inception ou Persona, où en gros, ce serait... Persona, c'est de qui? Persona, c'est un jeu vidéo. Là, il s'est beaucoup fait connaître avec le cinquième qui est sorti. Enfin, je crois, j'ai jamais vraiment joué, je connais juste... de réputation. Non. Ouais. C'est des personnes qui peuvent rentrer dans la tête des gens pendant la nuit et en gros rentrer dans le subconscient des individus et du coup changer leur voler, par exemple, leur voler des émotions, leur voler des trucs comme ça. Il me semble, hein, vraiment, là, si jamais des gens nous écoutent et adorent Persona 5, excusez-moi, je n'ai jamais joué au jeu. C'est juste, je connais un peu le pitch de base. Mais j'aime bien cette idée de... En fait, voilà, le truc, une escroquerie ou comme on disait, c'était pour acquérir quelque chose. Là, ce serait peut-être acquérir... soit un amour, une émotion comme ça, en venant s'insérer dans le subconscient de quelqu'un ou de quelque chose. Ça fait très Black Mirror, ouais. Tu vois, dans l'esprit. Ah ouais. Après, moi, j'aime bien ce côté Black Mirror, mais j'ai pas, enfin, moi, ça me ferait pas kiffer qu'on aille dans le Black Mirror. Je préfère, si on est dans une escroquerie du désir et que vraiment, c'est des gens qui arrivent à extirper des émotions comme on pourrait extirper une énergie ou du sang de quelqu'un, qu'on aille plus dans un... enfin, en tout cas, moi, ça me ferait plus kiffer qu'on aille dans un truc plus du côté surnaturel et fantastique qui a été en plus moins exploité, finalement, jusqu'à maintenant. Enfin, en tout cas, ces dernières années, plutôt. Du coup, toi, ça te parle bien, ce truc de rentrer à l'intérieur du subconscient ou du moins dans l'être de quelqu'un pour changer? Ouais, de ouf. Moi, ça me fait penser à... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où il y a ce truc où ils effacent les souvenirs. Donc peut-être que c'est des gars qui escroquent les souvenirs. Tu vois, leur but, c'est d'obtenir certains souvenirs pour avoir des informations. Et du coup, ils sont obligés d'escroquer des gens pour obtenir ces souvenirs. Et du coup, on perd cette notion de désir. Ouais. Moi, perso, je suis un peu perdu sur cette notion de désir, par contre. Enfin, pareil, hop, on va relire la définition de désir. Envie fait de vouloir quelque chose. Ouais. Là, moi, ça me fait venir quelque chose en tête. Putain, j'ai le chat qui miaule, attends. Je reviens, je vais virer le chat. Inadmissible. Virer un chat. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu. Il est en train de le torturer. Salaud. Il est en train de violer le chat. C'est tout à fait le genre de Tristan, sachez-le. Tu viens, mais tu fermes ta gueule. Voilà, il a dit, tu fermes ta gueule. Il aime dominer son chat, sexuellement. Allez. Il aime l'enchaîner. Oh, c'est relou, mon chat. Oula. Ça veut dire que le chat, il a essayé de se débattre. Hein. Très risqué, hein, de parler de ça en sa présence. Et me revoilà. Excuse-moi. T'inquiète pas. Là, je pensais à un truc qui serait assez bizarre, je pense, mais ce qui peut être intéressant. Ok. c'est un mec qui est marié à une femme depuis un bon moment déjà. Mmh. Et sauf que tellement longtemps qu'ils sont ensemble qu'il ne l'aime plus, tout simplement. Mmh. Mais il sait que cette femme a un amant. Du coup, il va vouloir voler, ou du moins escroquer, le désir qu'a son amant pour sa femme, mmh. afin de retrouver cette frénésie de l'amour initial. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ah ouais ? Mais alors, qu'est-ce qui motiverait cet homme à vouloir retomber amoureux de sa femme ? Tu vois, c'est plus une pression sociale où il doit faire bonne figure, il veut pas détruire toute la vie qu'il a construite avec elle, ou est-ce que c'est encore une autre motivation Genre moi là, c'est un truc qui me vient parce que voilà, on parlait de Eternal Sunshine of a Spotless Mind, ouais. la nostalgie de l'époque où il l'aimait en fait, il veut retrouver ça. Mm. Et tu penses que ça serait une motivation assez forte pour qu'il s'emballe, parce que si c'est une escroquerie, c'est pas rien, quoi. Enfin, il y a forcément un moment où ça dérape. Faut que notre personnage ait une motivation assez forte, ou en tout cas qu'il y ait des enjeux qui fassent que quand il va commencer à faire ça, à s'emballer là-dedans, il va pas pouvoir faire demi-tour. Mmh. Ouais, donc ouais, il faudrait vraiment quelque chose qui le pousse. En tout cas, la notion de nostalgie, je pense qu'elle peut toujours être là. Mais ouais, mais ça peut pas être seulement ça, c'est pas assez fort. C'est ça. Mais en tout cas, je sais pas si ça te plaît, cette idée de... Il y a vraiment tout le monde qui ravage tout le temps, il y a un espèce de truc qui raconte ce truc de des fois, t'es avec quelqu'un, tu l'aimes plus, mais tu sais, il y a tout le monde qui dit « Ah, mais vous allez tellement bien ensemble, c'est... » Le couple parfait, vous êtes notre modèle. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, hein. Mais ça me fait penser moment anecdote de Tristan. Ouais. Genre je parle assez souvent des projets qu'on fait ensemble, de comment on travaille, etc., avec des mm-hmm. gens, parce que ben la moitié des projets que je fais c'est avec toi. Ouais. Et du coup c'était il y a pas si longtemps que ça, où c'était avec qui exactement, ou qui me disait, mais en fait vraiment toi et Guillaume, vous êtes l'exemple du couple parfait. En fait, finalement, tu disais que toi, on ne t'a jamais dit que tu étais un exemple de couple parfait, ben, si tu l'es avec moi. Wow. Nous sommes le couple d'amitié, ouais, parfait. D'amitié, du coup. Mais je parlais, tu vois, un truc plus... Où il y a du sexe, quoi. Bah oui, il peut y avoir du sexe dans l'amitié, hein. C'est pas... Oui, c'est vrai. Et il n'y en a pas dans notre... Dans notre amitié. Ah oui, oui. Non, mais... Je dis pas que tu disais que... Voilà... Je voulais juste... T'es pas déçu, quand même? Non. Non. Et toi? Non. Ok, non, bah non, cool. Non, non, pas... Cool. Ouais, c'est cool. Il n'y a personne de déçu, du coup. Ouais, c'est personne bien. Du tout. J'ai en tête un pari, mais alors je ne vois pas quel genre de pari pourrait le mener à ça. Je pense au tour du monde en 80 jours. Je peux faire le tour du monde en 80 jours! Foutaise! Et là, t'as autre personnage. Je peux retomber amoureux de ma femme! Foutaise! Bon, du coup, ça, on finira sûrement par trouver cette motivation. Mais du coup, comment est-ce qu'il va se procéder pour, ouais, escroquer le désir de l'amant de sa femme? Est-ce qu'on part sur quelque chose de plutôt fantastique ou de... Du coup, enfin, ouais, on avait dit qu'on partait sur quelque chose de plutôt fantastique. Le point de départ qu'on a là, on est quand même sur un truc très réaliste. Là, actuellement, ça se prête mieux à de la science-fiction, mais on peut tweaker ça pour aller plus vers du fantastique. C'est vrai que, en termes de science-fiction, je trouverais ça dommage, parce que je pense que c'est un traitement qui a déjà dû être fait. N'empêche, je trouve que c'est un bon pitch de comédie, en vrai. Ah, ouais, c'est pas con. Moi, je l'imagine bien, du coup, former une équipe. Mais du coup, en restant dans cet aspect comédie, où ils forment une équipe avec des gens, mais qui, du coup, sont pas très bons, enfin, sont pas forcément les meilleurs dans le domaine qu'ils aimeraient, ce qui va faire que leur escroquerie va quand même être difficile à monter, tu vois. Ça me plaît bien, genre, ça fait comme un petit peu un casse du subconscient, tu vois, ouais, genre de cambriolage. Après, c'est vrai que là, du coup, on se rapproche beaucoup de Inception, comme on l'a cité tout à l'heure. Mais c'est vrai. Alors après, j'avoue que on est, pour moi, dans mon esprit, on est sur quelque chose d'un traitement beaucoup plus comique, même si je suis d'accord qu'au niveau du concept, c'est trop ressemblant. Ce qui serait vachement rigolo, c'est que le processus pour escroquer les désirs prenne du temps. Mmh. Genre, imaginons, voilà, il doit y retourner toutes les nuits pour avancer un petit peu plus dans son escroquerie. Du coup, plus le temps va passer, plus il va connaître l'amant. Ce qui serait drôle, c'est que du coup, durant la journée, il côtoie l'amant régulièrement. Ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'histoire, il va connaître de plus en plus de choses avec l'amant. Et il y a des choses qui pourront être rigolotes à jouer là-dessus. J'imagine vraiment devenir meilleurs amis au bout d'un moment presque. Enfin, j'imaginais justement une scène où il y a où genre ils invitent, enfin la femme a dit ah ce serait bien qu'on invite l'autre famille et enfin là, faudrait leur donner un nom. Antipode, voilà. C'est un nom très bizarre. Ouais. Donc du coup on va. Ça te dirait pas Bernard qu'on invite la famille Antipode? Et donc du coup bon bah il accepte hein, parce qu'il peut pas dire non car tu me trompes avec lui et j'imagine ce repas de famille où du coup en fait vu que c'est un stade très avancé il se rend compte qu'il est hyper pote avec ce mec qu'il a appris à connaître sans que lui ne le connaisse et d'un coup ils disent des répliques c'est un peu le cliché de ils disent la même réplique de film en même temps. Des trucs comme ça. Il y en a qui commence une phrase et l'autre il la finit. C'est ça. Enfin, on pourrait jouer sur. Ouais, il y aurait plein de trucs à jouer là-dessus en tout cas. Et là, j'y pense, on se demandait de pourquoi est-ce que Bernard voulait récupérer les sentiments. Qu'est-ce qui le pousserait à faire cette escroquerie. Ouais. Je viens de penser, et ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il a. En fait, il a encore des sentiments pour sa femme, mais il n'a plus de désir pour elle. Ah, là, c'est pas mal. Et du coup, il se dit, mais en fait, moi je l'aime encore, j'ai plus envie de la toucher. Mais je l'aime, je l'aime plus que tout. Et j'aimerais bien résoudre ce problème, parce que ben, le cul, c'est quand même vachement important dans une relation. C'est pas indispensable, mais c'est important. Oui, j'imaginais notamment une scène où il tombe sur sa femme et son amant en train de fricoter ensemble, mais sans qu'eux ne le voient. Et tu vois, d'avoir cette scène où, au lieu qu'il décide de rentrer dans la chambre et faire « Mais, oh mon Dieu, mais... qu'est-ce que vous faites ?» Et qu'il y a un truc de... qui est plutôt un truc de... Il reste impassible face à ça et il se dit... tu vois, comme si en voyant ça, cet événement arriver, il se rappelait... Putain, c'est vrai que j'ai pas vécu ça avec elle depuis tellement longtemps. Et en fait, j'aimerais bien revivre ça. Et du coup, au lieu de foncer comme un bourricot, ben, il décide de laisser sa femme... il va ça parce que justement, comme tu dis, il l'aime, mais il lui manque le désir sexuel. Ouais, là, je crois qu'on commence à trouver un truc, à gratter quelque chose d'intéressant. Hein. Parce que voilà, je sais pas quand est-ce que lui viendra cette idée de voler les désirs de l'amant. Mais voilà, il y a aussi ce truc qui peut se dire, ouais, bah, je vais les laisser ensemble pour le moment. Parce que voilà, je vais utiliser cet amant-là. Et peut-être même que genre, ça peut être un truc rigolo. C'est à un moment, tu sais, donc, comme on l'a dit, ça peut prendre du temps d'escroquer les désirs de la sorte. Ouais. Du coup, ça va prendre tellement de temps que l'amant, va lui-même finir par ne plus avoir trop de désirs pour sa femme. Et du coup, Bernard va essayer de recréer des désirs chez l'amant pour pouvoir continuer à lui envoler. Ah, je sais pas. Là, je pense qu'on part sur une autre histoire à ce moment-là. Ouais, pour moi, ça pourrait être... Si on était sur un long-métrage, ça pourrait être un rebondissement qui arriverait vers le milieu du film. C'est quand même bizarre, non? Tu trouves pas? De? Bah, il va créer le... Enfin, je sais que c'est tout le comique, mais... en fait, c'est ça. Je crois que ce qui me gêne, en soi, c'est pas que ça arrive. C'est plus que moi, du coup, j'étais plus sur une comédie, on va dire plus comédie dramatique. Mais en fait, moi, je trouve que ce débat est un peu stérile, parce que, en fait, ce qu'il faut juste, c'est savoir est-ce qu'on est plus sur un truc goofy ou comédie dramatique, quoi. Faut juste qu'on se mette sur la même ligne. D'accord, oui. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Bah franchement, vu que j'arrive pas à me décider, partons sur quelque chose de plus goofy. Et là, j'y repense, pour créer un peu plus d'enjeux sur le long terme. Ouais. Ce qui serait cool, plutôt que en fait, ça prenne du temps pour voler tout le désir de l'amant, en gros, c'est plutôt que notre personnage doit se réapprovisionner en désir régulièrement. Je sais pas si c'est clair sur la nuance. Ouais, comme un réservoir. Voilà, c'est ça, il va pas tout voler d'un coup, et voilà, maintenant j'aurai du désir pour toujours. C'est toutes les semaines, par exemple, il doit revenir et hop, reprendre un petit peu de désir. Mais du coup, Bernard, il est complètement con, en fait. Pourquoi ? Il vole du désir pour remplir son désir qu'il dépense. Et du coup, au bout d'un moment, le mec à qui il vole du désir n'a plus de désir. Et du coup, au lieu... enfin, du coup, il va chercher à créer le désir chez ce mec pour lui voler son désir. Alors qu'il pourrait le faire sur lui-même. Ouais. Voilà, mais moi, c'est ça que je trouve intéressant. D'accord, ouais. Il a une vision assez étonnante du coup, parce que c'est-à-dire que lui, il accepte parfaitement que sa femme sorte avec quelqu'un d'autre. Il sent ça peut être aussi un truc intéressant de. Non, je trouve c'est bien. Et en gros, ça se terminerait par il trouve le moyen de créer son propre désir, enfin de retrouver le désir en sa femme. En fait, c'est ça, peut-être ça, le truc, c'est qu'il se concentre plus, il se concentre pas sur sa femme, mais il se concentre quand même sur l'amant de sa femme pour créer du désir, quoi. Et ouais, je sais pas, parce que là, si on part sur une construction très, entre guillemets, basique, ce serait, voilà, donc il va finir par essayer de nourrir le désir de l'amant de sa femme au lieu de nourrir son propre désir. Il va finir par se rendre compte de, mais attends, je fais pas les choses dans le bon ordre, en fait. Et ça te plaît pas? Non, il y a aucun jugement, c'était vraiment juste la première idée qui se construit sur ça, celle qu'on voit le plus, c'est celle-là, je pense. Ouais. C'est vrai que je trouve que ça fait un peu pastiche quand même de Inception, dans le sens, j'ai encore cette idée en tête de il rassemble son équipe et j'imagine que c'est ses copains de boulot où il dit les gars, je vais avoir besoin de vous. Ou vraiment, du coup, c'est vraiment que des gros ratés qui sont même pas capables de laver leur propre chemise, tu vois. Vraiment, c'est à l'antithèse de ce qu'ils sont, quoi. Mais à la différence de Inception, en gros, c'est un espèce d'aller-retour entre le monde des rêves et la réalité, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, justement, si on fait ce truc qui dure sur long terme, c'est pas genre une mission et j'ai volé les désirs, c'est vraiment ça se fait sur long terme, je vais y retourner plusieurs fois. L'idée, ce sera vraiment de jouer de qu'est-ce que le personnage de Bernard apprend de ses voyages dans le subconscient. Par exemple, il pourrait y avoir un moment où vraiment il commence à beaucoup ressembler à cet amant, en fait. Et si je drop l'idée, là, vraiment, je sais pas quoi en penser. Ouais. D'un point de vue moral, ça dit un truc bizarre, mais je trempe l'idée, comme je l'ai dit, j'arrête de me justifier. À force de se concentrer sur le regain du désir, parce que du coup, en volant le désir de l'amant, il va aussi perdre l'amour progressivement qu'il a pour elle. Parce que voilà, l'amant, il n'a que du désir, il n'a pas d'amour pour la femme. Et donc, petit à petit, certes, il va regagner du désir pour la femme, mais il va également progressivement perdre son amour pour elle. Et peut-être même, si on veut aller jusqu'au bout et créer encore de l'enjeu et des complications, cet amour qu'il perd, ça pourrait être l'amant qu'il récupère. Et en gros, ils sont progressivement en train de changer de place tous les deux. La première chose à laquelle j'ai pensé là, c'est que Bernard travaille dans une entreprise où il s'occupe justement... mais là, ça fait très... j'arrive jamais à dire le nom, c'est chiant. The Eternal Sunshine of Spotless Mind, où il travaille dans une entreprise où justement, ils utilisent une technologie qui leur permet de s'introduire dans le subconscient des gens. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a une fois où, tu vois, il se réveille pendant que Bernard est encore dans son subconscient. Oh ah ouais, ce serait vachement cool. Et du coup, genre, on pourrait voir comment les actions que fait l'amant dans le vrai monde influencent son subconscient et met dans la merde Bernard. Là, on a un truc qui pourrait être vachement intéressant, qui demanderait d'ailleurs de se renseigner, comme l'ont fait les gens qui ont écrit Vice Versa sur le fonctionnement de l'esprit, etc. Mais ouais, là, on pourrait avoir une personnification de l'esprit hyper intéressante avec ça. Ah, et ça peut peut-être être ça, leur plan, le plan final de Bernard, ou le premier plan, remarque. En fait, d'être dans son subconscient pendant que l'amant et sa femme sont en train de faire crac-crac. Moi, je pense, en fait, c'est juste, il a des fantasmes qu'il n'assume pas de voir sa femme coucher avec quelqu'un d'autre, et il invente tout ça juste pour assister à ça. En fait, c'est une fable sur le voyeurisme, et comme quoi il faut assumer... ses désirs, quoi. Bah tiens, d'ailleurs, pareil, c'était un des podcasts de Crac Crac, ouais, que j'ai appris un fantasme qui m'a pas mal étonné. Je savais pas que ça existait. Ouais. C'est justement le fantasme de savoir que ton ou ta partenaire couche avec quelqu'un d'autre. C'est une meuf qui était interviewée qui expliquait que c'est un jour mon copain est rentré à la maison et il m'a dit je suis désolé mais j'ai couché avec une autre cette nuit. Et là où elle s'attendait à être hyper vénère, tu vois, vraiment se mettre en colère à mort. Ouais. Elle a été grave excitée et ils ont passé l'une des meilleures nuits de leur vie. Et ouais, depuis ce jour-là, elle s'est rendue compte que, en fait, je kiffe savoir que mon copain me trompe. Eh ben putain. Donc, morale à tous ceux qui nous écoutent, trompez votre partenaire, peut-être que ça peut lui plaire. Ouais, faut essayer avant pour savoir. C'est ça, et puis si ça lui plaît pas, vous direz, mais j'ai fait ça pour toi. C'est comme ça que tu me jettes. C'est vraiment égoïste. Voilà, vous la faites culpabiliser. C'est vraiment quelque chose de très très sain. Mais pour en revenir à Bernard, du coup, dans Bernard. L'idée de faire ça, peut-être qu'en fait, Bernard, c'est ça son but. C'est de au lieu de prendre le désir et de le mettre en lui, en fait, il se dit, il faut que je les vois faire crac-crac pour comprendre. Ouais, enfin, il doit se nourrir du désir c'est en ça. Direct. Ah, d'accord, attends, pour comprendre, ouais. Voilà, ou comprendre, ou se nourrir, comme tu veux. Mm. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose, il y a toujours plus ou moins quelque chose qui foire,

Et au fil du temps, il se rend compte aussi que ce machin qu'il a mis de côté pour pouvoir récupérer du désir, et qui lui semblait inutile, soit en fait indispensable. Mmh. Moi, je me disais peut-être qu'en gros, il prend des traits de caractère de John, mmh. et du coup, en échange, il donne ses traits de caractère. Et en fait, pour revenir sur ton idée de, en ayant du désir, petit à petit, il perd l'amour. Peut-être que du coup, en donnant ses traits de caractère qu'il pense complètement nuls. Bon, après, on retombe sur une morale un peu nulle, un peu cliché. On s'en fout, on est parti du principe que la fin, on verra plus tard. C'est ça. Mais du coup, en donnant ses traits de caractère à John, John devient... Enfin, là où avant, sa femme était seulement sur du désir sexuel, tombe petit à petit amoureuse de John, parce qu'il obtient les traits de caractère de son mari, qui est la personne qui, au fond, elle aime vraiment, quoi. Dans toutes les idées qu'on donne, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, ouais. C'est que malgré tout ce que fait Bernard pour essayer d'arranger sa vie et son couple, à chaque fois il se met de plus en plus dans la merde. Ça, c'est une construction que j'aime beaucoup. Ouais. Parce que simplement, en fait, il a pris une mauvaise décision qui est de voler les désirs plutôt que de recréer les siens, et tout ça fait qu'il s'enfonce de plus en plus. Et donc, du coup, ouais, c'est assez intéressant qu'en plus il finisse par perdre l'amour de la femme. Et puis d'ailleurs, justement, en parlant de ça, il serait peut-être aussi... C'est un truc qu'on devrait faire, mmh. là pareil, on a déjà passé pas mal de temps, on le fera pas maintenant, mais un truc qu'on devrait faire, c'est développer aussi un petit peu plus la femme, qu'elle ne soit pas juste, juste l'objectif. Yes. Peut-être que du coup, la mission finale, ce serait la mission finale de Bernard serait de reprendre tous les traits de caractère qu'il a vendus auparavant... et de récupérer les siens au vendeur John pour avoir des codes de très mafieux ou ce John de la supérette qui est un gros mafieux. Ah, je viens de comprendre ce que tu entendais par John. En gros, ouais, c'est vraiment que dans le subconscient de John, il y a toute une civilisation de John, en fait. Oui. D'accord, et en gros, donc quand Bernard vient, imaginons, voler du désir, il vient rencontrer un John, il lui dit « Salut, tu me donnes du désir ? Oui, voilà pour vous. » Ouais, c'est ça. D'accord, j'avais pas compris cet aspect-là. Ah putain, c'est drôle, ça paraît, ouais, il y a un vrai potentiel humoristique là-dessus. Tu sais, j'imagine, c'est comme je crois que c'est Larry dans Rick et Morty, le père de Rick. Je crois pas qu'il s'appelait comme ça, mais... Ouais, merde, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est le père de Morty, tu veux dire. Ouais, le père de Morty, pardon. Ça a tout mélangé. Ou voilà, genre... On se retrouve dans des endroits où il y a plein de papas de Morty comme ça, oui. qui ont fait leur petite civilisation un peu ridicule. Et ouais, si, j'aime bien. Ça, c'est une idée absurde qui me fait beaucoup rire. Et du coup, ouais, le fait d'avoir justement ce vendeur, ça pourrait être un gars qui... Ce serait une personnification de John, du subconscient de John. Et ce serait, entre guillemets, l'antagoniste de l'histoire. Car justement, c'est lui qui, depuis la première fois où Bernard est venu pour lui dire « Salut, je vais te prendre un peu de désir », oh oui, très bien, cependant, pour faire cela, il faudra que vous me donniez autre chose. Quoi, mais qu'est-ce que vous pouvez me donner? Oh, bah, je ne sais pas, donne-moi ce petit truc-là qui ne te sert à rien. Ah, oui, d'accord, tenez, merci, voilà ton désir. En réalité, ce subconscient de John récupère intelligemment des trucs qu'il voulait, lui, de Bernard. Et voilà, à la fin, on va se rendre compte que Bernard s'est fait un petit peu manipuler par ce subconscient pour améliorer la vie de John. Ouais, de ouf. Moi, ce que j'aime bien aussi dans l'idée de « il y a plein de John », c'est que quand même, on est quand même... C'est plusieurs parts de la personnalité de John. Mm. Donc, tu vois, il y a des John qui... Mais du coup, c'est vraiment un trait de caractère de John. Donc, notamment celui qui est le chef de la supérette, c'est le John particulièrement revanchard ou qui a soif de pouvoir. T'as le John complètement con. Si on veut... développer dans cet aspect-là de chaque alter ego de John dans son subconscient est un caractère de John, il faudra dans notre film, enfin dans ce film et dans le monde réel, beaucoup plus développer le personnage de John et lui faire avoir une vraie présence à l'écran. Puisque c'est seulement en connaissant le John original que ses alter ego prendront tout leur sens et je pense tout leur humour. Après, je pense que juste en voyant l'intérieur de la maison de John et... Enfin, je pense qu'on n'a pas besoin qu'il soit là si souvent que ça. Je trouve que quelques interactions, par exemple comme le dîner ou des trucs comme ça, peuvent, sans qu'on ait une de 45 minutes juste sur John, quoi. Ah oui, moi j'imaginais pas non plus le film tourner entièrement autour de lui. Mais voilà, il faut qu'on ait en fait une idée de base de qui il est pour pouvoir comprendre, voilà, pour pouvoir comprendre ces petites émotions-là. Mais je pense que ça va partir de l'équipe qu'il forme avec que Bernard forme. Ouais. Où, genre ils vont récolter plein d'informations parce que justement il va dans son subconscient, donc il faut bien récupérer quelques informations avant. Ouais, et du coup ils feront un diapo où ils expliquent alors qui est John. Ouais. Et Bernard il devra apprendre toutes ces informations-là pour pouvoir gérer dans son subconscient. Oui, ça se trouve au début il doit se faire passer pour un John ou un truc du genre. J'avais une idée qui me faisait rire. Ah, ouais. Oh, trop bien. J'adore tes idées. Je t'aime. Oh. C'est qu'en gros, enfin, c'est une idée un peu débile. Hein. Mais à la fin, du coup, pour combattre les milliers de John qu'il y a dans le subconscient, en fait, il faut qu'ils arrivent à transmettre tous les Bernards du subconscient de Bernard dans le subconscient de John. Et genre, à la fin, on aura une guerre de Bernard contre John. C'est ça. Voilà, donc c'est très débile, mais ah ouais. Je trouve ça... Là, on part de plus en plus dans l'humour un peu plus débile, mais c'est drôle. Ouais, ouais, là, j'ai même envie de dire qu'il y a vraiment un côté, comme tu disais, Rick and Morty, quoi. Et bah du coup, voilà, là, je crois qu'on a fait un bon tour du potentiel de notre ouais. Escroquerie du désir. Franchement, en partant de Escroquerie du désir, je pensais pas qu'on en arriverait à un truc comme ça. Je pensais qu'on allait partir sur quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus un truc plus thriller. C'est ça, ouais. Et puis surtout, ça fait vraiment titre de thriller, Escroquerie du désir. Ouais, c'est ça. Et comme quoi, là, franchement, je suis agréablement surpris. C'était super intéressant. Ouais, de ouf. Et c'est vrai je trouve qu'il y a un truc vraiment très cool que t'as dit. C'est que t'as dit si on est dans un long métrage on pourra raconter toutes ces choses, et en fait c'est vrai que on n'est pas obligé de partir, enfin on peut partir sur un long métrage, mais en fait on n'est pas obligé non plus. On peut aussi partir sur un court métrage, on peut aussi partir sur une série, on peut partir sur une BD, enfin en fait je trouve que on peut partir sur autant de choses qu'on veut et on n'est pas obligé de se limiter à un seul format, et ça c'est cool de se dire ça, parce que moi, dans les autres épisodes, et même jusqu'à là, j'étais un peu dans ce mood de... Bon, bah, en fait, quand on brainstorm, c'est on brainstorm pour un long métrage, quoi. Ah, d'accord. Ah ouais, non, moi, j'avais vraiment à chaque fois l'idée de... Enfin, jusqu'à maintenant, du coup, tout ce qu'on a brainstormé, ça s'adaptait vraiment à du long métrage. Oui. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on peut partir sur tout et n'importe quoi. Ouais, mais je suis d'accord. Mais c'est vrai que, du coup, il y a cette espèce d'inconscient de c'est le truc que personnellement j'écris, enfin auquel je rêve le plus, que t'as envie d'écrire le plus, ouais. C'est ça, du coup bah paf, je fais tout en sorte que ça rentre là dedans et donc peut-être que du coup dans les prochains ça rentrera moins dans cette case, du coup. Parce que peut-être que vu que jusqu'à maintenant ça correspondait tout à ça, c'est aussi parce que moi je mettais un peu le truc dans ces rails là, quoi. Et ben écoute, je crois qu'on a vraiment pas mal fait le tour du sujet. Yep. Et donc là, on va prendre un petit moment, parce qu'on a vraiment dit beaucoup, beaucoup de choses. On va même faire un petit peu le tri dans tout ça. Mmh. Et une fois qu'on aura bien fait le tri dans toutes ces idées, il sera temps de récapituler à quoi ressemble notre monstre. Écoutez ça. Cela ne me dit rien qui vaille. C'est l'histoire de Bernard. Il est fou amoureux de sa femme Sandra, avec qui ils sont mariés depuis des années. Cependant, il y a un problème, parce qu'il y a toujours un problème. Il n'a plus aucun désir pour elle. Ouais, et encore pire que ça, un jour, il débarque chez lui, et qu'est-ce qu'il voit ? Sa femme avec un autre homme. C'est complètement dingue. Alors, il reste bloqué, il ne va pas dire à sa femme « Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es avec un autre homme ! T'es complètement malade !» Non, non, non, il a beaucoup mieux en tête. Il va se décider à rentrer dans le subconscient de l'amant, qui s'appelle John, pour lui voler le désir qu'il a pour sa femme. Oui, et c'est pour ça qu'il va utiliser une technologie expérimentale qu'il développe à son travail, afin de s'introduire dans son subconscient. Mais c'est pas aussi simple de faire ça. Alors, il va monter avec ses collègues de travail une équipe de choc, et ils vont mettre ensemble un plan machiavélique. Ils vont dans un premier temps se renseigner sur John, parce que si on veut rentrer dans le subconscient de quelqu'un, mieux vaut bien le connaître. Oh oui. Ils vont le conditionner, en lui faisant par exemple manger des médocs permettant l'ouverture de son subconscient, et même presque réorganiser toute sa vie afin de le mettre dans les bonnes dispositions pour la pénétration. J'ai pas trouvé d'autre formulation. Bernard va donc se plonger dans le subconscient pour obtenir le désir tant désiré. Putain, merde. Vas-y, enchaîne. il ne va pas être au bout de ses surprises, car quand Bernard va arriver dans le subconscient de John, il va découvrir une micro-société. Wow. Oui, une micro-société, ouais, et composée uniquement de John. Plein de John, il y a des John de partout. Et ils ont tous des traits de caractère qui appartiennent à John. Donc t'as John le con, John l'intelligent, bon c'est pas des traits de caractère hyper originaux, mais bon, c'est comme ça. Et le plan marche à merveille. Bernard retrouve le désir pour sa femme, et leur couple repart sur de très très bonnes bases. Mm-hmm. Ouais. Et avec le temps, Bernard va commencer à acheter des traits de caractère au subconscient de John. Parce qu'il est possible d'acheter des traits de caractère. Seulement, pour acheter, il faut payer. Alors du coup, sa monnaie d'échange sera ses traits de caractère à lui. Le souci, c'est que plus il fera ça, plus il commencera à prendre les traits de caractère de John et à perdre les siens en les offrant à Bernard. Et là où ça devient vraiment un problème, c'est que Sandra, elle désire John, elle fait crac-crac avec John, mais la personne qu'elle aime, c'est Bernard. Alors, quand Bernard commence à devenir John et John à devenir Bernard, eh ben forcément, Sandra commence à tomber amoureuse de John. Mais ça, Bernard ne peut pas le laisser faire. Alors, il prend une décision. Il va rendre tous ses traits de caractère à John et récupérer les siens. Cependant, lorsqu'il essaye de faire ça, il se rend compte que tout cela était en réalité planifié par le subconscient de John, qui veut la main de la demoiselle. Bernard se retrouve impuissant face à ce John horrible vendeur de traits de caractère. Il n'a donc plus qu'une seule solution pour s'en sortir. Ramener tous les Bernards de son subconscient dans le subconscient de John afin de créer une guerre sanglante où il pourra récupérer tous ses traits de caractère. Attention Bernard, attention John, John, John, Bernard, John, Bernard, John. Attention! Est-ce que Bernard arrivera-t-il à retrouver sa femme, sa vie et son désir? Vous le saurez en achetant notre film L'escroquerie John du désir. Bernard. John Bernard. John Bernard ou L'escroquerie du désir. Ah, c'est beau. J'achète. Et voilà donc à quoi ressemble notre monstre. Mais dis-moi, mon cher Guillaume, qu'en as-tu pensé? Eh bien, écoute, Tristan, c'était, ma foi, fort bien. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu aurais à dire là, comme ça, chaud Ben ouais, franchement, je suis super étonné. Je pensais pas qu'on partirait dans cette direction-là, encore une fois. Et, ouais, et plus on fait d'épisodes de brainstorming, plus je me rends compte qu'à chaque fois, je suis assez étonné de ce qu'on finit par sortir. Donc ça, c'est trop bien. Après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de soucis, comme bah, on en parlait pendant le brainstorming, le personnage féminin, le seul présent qui n'a pas grand intérêt. Après, l'histoire, on sait pas trop où elle va encore, mais c'est normal, c'est vraiment une phase de brainstorming, voilà, faut le préciser. C'est vrai. Et personnellement, je pense que dans l'équipe, ouais, il y aura voilà. Véronica, il y a toujours une Véronica, ouais, une assistante. Ah, bah, c'est une femme, donc forcément, elle doit être assistante, bah bravo. Moi, je suis surtout content du concept, que là, du coup, on est parti sur un concept assez ouf, voilà, ouais. Mi-chemin entre Inception et vice-versa. Avec un truc... Eternal Spotless Mind. Eternal Sunshine of a Spotless Mind, exactement. Putain, ce titre qui est très bien comme titre, mais beaucoup trop long. Et ce que je trouve intéressant dans cet épisode-là, contrairement aux autres, enfin, moi j'avais moins sentiment dans les autres, c'est que du coup, on est vraiment passé par plein d'étapes avant de trouver notre idée. On a bien ramé. Et donc voilà, c'est un brainstorming, c'est parfois ça aussi, c'est vraiment, vraiment tourner en rond pendant un petit moment pour finalement réussir à se débloquer avec juste une idée qui vient faire la différence. Ouais, ou... Même plein d'idées qui viennent faire la différence. Oui. C'est souvent, enfin, souvent, cette idée amène ensuite d'autres idées, mais c'est qu'on a vraiment eu du mal à décoller, à trouver... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a mis pas mal de temps avant de prendre le chemin, quoi. De faire un choix. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, et on vous fait plein de papouilles, et on bibi à une prochaine fois. On n'a toujours pas de générique, hein. Non, on n'a toujours pas de générique. Il est très beau, mais long. Guillaume, tu peux me donner ton avis sur le film Titanic? Il est très beau, mais long. Guillaume, il est comment le front du rappeur Oli? Il est très beau, mais long. Guillaume, tu penses quoi de mon pénis? Il est très beau, mais long. Eh Guillaume, il est comment ce gag de fin? Il est très beau, mais long. Je savais que t'allais dire ça.